Chapitre 2e. Antécédents et abominations. Joseph Curwen, s'il faut en croire les légendes, les rumeurs et les papiers découverts par Ward, était un homme énigmatique qui inspirait une horreur obscure. Il avait fui Salem pour se réfugier à Providence, ce havre de tous les êtres libres, originaux et dissidents, au début de la grande persécution des sorcières. Il craignait d'être accusé de pratiquer la magie en raison de son existence solitaire et de ses expériences chimiques ou alchimiques. Devenu libre citoyen de Providence, il acheta un terrain à bâtir au bas d'Olney Street. Sa maison fut construite sur Stamper's Hill, à l'ouest de Taunt Street, à l'endroit qui devint par la suite Olney Court. En 1761, il remplaça ce logis par un autre, beaucoup plus grand, encore debout à l'heure actuelle. Ce qui parut d'abord le plus bizarre, c'est que Joseph Curwen ne sembla pas vieillir le moins du monde à partir du jour de son arrivée. Il se fit armateur, acheta des appontements près de la baie de Mile End et aida à reconstruire le grand pont en 1713. Mais il garda toujours le même aspect d'un homme de 30 à 35 ans. À mesure que les années passaient, cette qualité singulière attira l'attention générale. Curwen se contenta d'expliquer qu'il était issu d'une lignée d'ancêtres particulièrement robustes et que la simplicité de son existence lui permettait d'économiser ses forces. Les habitants de Providence, ne comprenant pas très bien comment on pouvait concilier la notion de simplicité avec les inexplicables allées et venues du marchand et les lumières qui brillaient à ses fenêtres à toute heure de la nuit, cherchèrent d'autres causes à son étrange jeunesse et à sa longévité. La plupart d'entre eux estimèrent que cet état singulier provenait de ses perpétuelles manipulations de produits chimiques. On parlait beaucoup des curieuses substances qu'il faisait venir de Londres et des Indes sur ses bateaux, ou qu'il allait chercher à Newport, Boston et New York. Lorsque le vieux docteur Jabez Bowen arriva de Rehoboth et ouvrit sa boutique d'apothicaire de l'autre côté du grand pont, à l'enseigne de la licorne et du mortier, Curwen lui acheta sans arrêt drogue, acide et métaux. S'imaginant qu'il possédait une merveilleuse science médicale, plusieurs malades allèrent lui demander secours. Il les encouragea dans leurs croyances, sans se compromettre le moins du monde, en leur donnant des potions de couleurs bizarres. Mais on observa que ces remèdes administrés aux autres restaient presque toujours sans effet. Finalement, lorsqu'après 50 ans de séjour, Curwen ne sembla pas avoir vieilli de plus de 5 ans, les gens commencèrent à murmurer et à satisfaire le désir d'isolement qu'il avait toujours manifesté. Diverses lettres et journaux intimes de cette époque révèle plusieurs autres raisons pour lesquelles on en vint à craindre et à éviter Joseph Curwen comme la peste. Ainsi, il avait une passion bien connue pour les cimetières et on le voyait errer à toute heure, encore que personne ne l'eût jamais vu se livrer à un acte sacrilège. Sur la route de Pawtuxet, il possédait une ferme où il passait l'été et à laquelle il se rendait fréquemment à cheval, de jour ou de nuit. Deux domestiques prenaient soin de ce domaine. C'était un couple d'Indiens Narragansett. Le mari avait un visage couturé d'étranges cicatrices. La femme, d'aspect répugnant, devait avoir du sang noir dans les veines. La pantille attenant à la ferme abritait le laboratoire de Curwen. Les porteurs qui livraient des flacons, des sacs ou des caisses par la petite porte de derrière parlaient entre eux de creusets, alambics et fourneaux qu'ils avaient vus dans la pièce au mur garni de rayonnages et disaient à voix basse que le taciturne alchimiste ne tarderait pas à trouver la pierre philosophale. Les voisins les plus proches, les Fenner, qui habitaient à un quart de mille de distance, déclaraient qu'ils entendaient pendant la nuit des cris et des hurlements prolongés provenant de la ferme de Curwen. En outre, ils s'étonnaient du grand nombre d'animaux qui paissaient dans les prés. En effet, il n'y avait pas besoin de tant de bêtes pour fournir de la viande, du lait et de la laine à un vieillard solitaire et à ses deux serviteurs. Chose non moins bizarre, le cheptel n'était jamais le même, car chaque semaine, on achetait de nouveaux troupeaux aux fermiers de Kingstown. Enfin, un grand bâtiment de pierre, dont les fenêtres étaient réduites à d'étroites fentes, avait une très mauvaise réputation. Les flâneurs de la place du Grand Pont avaient beaucoup à dire sur la maison d'Olney Court, non pas la belle demeure bâtie en 1761, lorsque Curwen devait avoir 100 ans, mais l'humble logis primitif à la mansarde sans fenêtre, au mur couvert de bardeaux, dont il fit brûler la charpente après sa démolition. En vérité, Elle offrait beaucoup moins de mystère que la ferme, mais on y voyait briller des lumières au cœur de la nuit. Il n'y avait comme serviteur que deux étrangers au visage basané. La gouvernante était une vieille Française d'un âge incroyable. On livrait à l'office des quantités de nourriture extraordinaires. Enfin, on entendait des voix étranges tenir des conversations secrètes à des heures indues. Dans les cercles plus élevés de la société de Providence, le comportement de Kerwen faisait aussi l'objet de nombreuses discussions. Car à mesure que le nouveau venu avait pénétré dans les milieux ecclésiastiques et commerciaux de la ville, il avait lié connaissance avec des personnalités distinguées. On savait qu'il appartenait à une très bonne famille, les Kerwen ou Kerwen de Salem, étant bien connu dans la Nouvelle-Angleterre. On apprit qu'il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse, qu'il avait séjourné en Angleterre et s'était rendu en Orient à deux reprises. Quand il daignait parler, il employait le langage d'un anglais cultivé. Mais pour une raison quelconque, il n'aimait pas la compagnie. Bien qu'il n'eût jamais repoussé un visiteur, il faisait toujours preuve d'une telle réserve que peu de gens trouvaient quelque chose à lui dire. On discernait dans son comportement une sardonique arrogance, comme s'il en était venu à trouver stupide tous les humains, après avoir eu commerce avec des entités plus puissantes. Lorsque le docteur Checkley, un des beaux esprits de l'époque, vint de Boston en 1738, pour assumer les fonctions de recteur de King's Church, il ne manqua pas de rendre visite à un personnage dont il avait tant entendu parler, mais il se retira au bout de très peu de temps, car il avait décelé dans les propos de son hôte quelque chose de sinistre. Charles Ward déclara un soir à son père qu'il ordonnait beaucoup pour savoir ce que le mystérieux vieillard avait pu dire à l'ecclésiastique. Malheureusement, tous les auteurs des journaux intimes de l'époque s'accordaient pour relater la répugnance du docteur Checkley à répéter ce qu'il avait entendu. L'excellent homme avait été violemment bouleversé et il ne pouvait jamais songer à Joseph Kerwen sans perdre sa gaieté bien connue. C'est pour une raison plus précise qu'un autre homme cultivé évita le redoutable ermite. En 1746, Mr. John Merritt, anglais d'âge mûr, au goût scientifique et littéraire, arriva de Newport pour venir s'installer à Providence où il se fit bâtir une belle maison de campagne dans ce qui est aujourd'hui le centre du quartier résidentiel. Il menait un grand train de vie. Il fut le premier à posséder un carrosse et des domestiques en livrée, et tirait fierté de sa lunette d'approche, son télescope, sa belle bibliothèque de livres anglais et latins. Ayant entendu dire que Kerwen avait la plus riche bibliothèque de la ville, il ne tarda pas à lui rendre visite et reçut un accueil relativement cordial. Son admiration pour les rayonnages bien garnis de son hôte, qui outre les classiques grecs, latins et anglais, contenait un remarquable arsenal d'œuvres philosophiques, mathématiques, scientifiques, avec des auteurs tels que Paracels, Agricola, Van Helmont, Sylvius, Glauber, Boyle, Borave, Becher et Stahl, lui valut d'être invité à visiter la ferme et le laboratoire, ce que Kerwen n'avait jamais offert à personne. Mr. Merritt a toujours reconnu n'avoir rien vu de vraiment horrible à la ferme de Pawtuxet Road, mais il a déclaré que les titres des volumes traitant de thaumaturgie, d'alchimie et de théologie avaient suffi à lui inspirer une véritable répulsion. Cette collection bizarre comprenait presque tous les kabbalistes, démonologistes et magiciens connus et constituait un véritable trésor de science en matière d'alchimie et d'astrologie. On y trouvait Hermès Trismégiste dans l'édition de Ménard, la Turba Philosophorum, le Liber Investigationis de Geber, la Clé de la Sagesse d'Artefius, le Zohar, l'Albertus Magnus de Peter Jam, l'Ars Magna et Ultima de Raymond Lull dans les éditions de Zetzner, le Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, le Clavis Alchimae de Flood, le De Lapide Philosophico de Tritem. Les Juifs et les Arabes du Moyen-Âge étaient fort nombreux, et Mr. Merritt blêmit lorsqu'en prenant un beau volume étiqueté « Quanon et Islam », il s'aperçut que c'était en réalité le Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Azred, livre interdit, qui avait été l'objet de rumeurs monstrueuses quelques années auparavant, après la découverte de rites innommables dans le petit village de pêcheurs de Kingsport, Massachusetts. Mais, chose étrange, le digne Mr. Merritt fut plus particulièrement bouleversé par un infime détail. Posé à plat sur l'énorme table d'acajou, se trouvait un très vieil exemplaire de Borellus, annoté et souligné de la main de Kerouen. Le livre était ouvert au milieu, et un paragraphe marqué de plusieurs traits de plume retint l'attention du visiteur. La lecture de ces quelques lignes lui causa un trouble indescriptible. Il devait se les rappeler jusqu'à la fin de ses jours et les transcrivit mot pour mot dans son journal intime. Les voici. Les sels essentiels des animaux se peuvent préparer et conserver de telle façon qu'un homme ingénieux puisse posséder toute une arche de Noé dans son cabinet et faire surgir, à son gré, la belle forme d'un animal à partir de ses cendres. Et par telle méthode, appliquée aux sels essentiels de l'humaine poussière, un philosophe peut, sans nulle nécromancie criminelle, susciter la forme d'un de ses ancêtres défunts à partir de la poussière en quoi son corps a été incinéré. C'est près du port, dans la partie sud de Town Street, que l'on racontait les pires choses au sujet de Joseph Kerouen. Les marins sont gens superstitieux. Les rudes matelots des négriers, des bateaux corsaires et des grands brigs des Brown, des Crawford et des Tillinghast faisaient de furtifs signes de croix quand ils voyaient ce vieillard mince et voûté, aux cheveux blonds, à l'aspect si jeune, entrer dans son entrepôt de Dublin Street ou bavarder avec des capitaines et des subricargues sur lequel le long duquel ses navires se balançaient. Ses commis et ses capitaines le craignaient et le détestaient. Ses équipages se composaient de métis de la Havane ou de la Martinique ou de Port-Royal. La cause essentielle de la peur inspirée par le vieillard était la fréquence avec laquelle il remplaçait ses matelots. Un équipage allait à terre, dont certains membres étaient chargés de telle ou telle commission. Quand on procédait au rassemblement, il manquait toujours deux ou trois hommes. Or, presque tous les disparus avaient reçu l'ordre de se rendre à la ferme de Pawtuxet Road, et personne n'avait oublié cette particularité. Au bout d'un certain temps, Kerouen eut beaucoup de mal à recruter des marins pour ses navires. Invariablement, plusieurs d'entre eux ne manquaient pas de déserter après avoir entendu les commérages sur les quais de Providence, et leur remplacement posait un problème de plus en plus difficile. En 1760, Joseph Kerouen était devenu un véritable paria, soupçonné d'alliance avec les démons, qui semblaient d'autant plus menaçantes qu'on ne pouvait ni les nommer, ni les comprendre, ni prouver leur existence. L'affaire des soldats disparus, en 1758, acheva de monter les gens contre lui. Cette année-là, pendant les mois de mars et d'avril, deux régiments du roi, en route pour la Nouvelle-France, furent cantonnés à Providence, où leur nombre diminua de façon inexplicable. On remarqua que Kerouen avait coutume de bavarder avec ces étrangers en tunique rouge, et lorsque plusieurs d'entre eux eurent disparu, les gens se rappelèrent ce qui se passait dans les équipages de l'armateur. Nul ne saurait dire ce qui se serait produit si les régiments étaient restés plus longtemps sur place. Cependant, les affaires du marchand prospéraient. Il avait le monopole du poivre noir, du salpêtre et de la cannelle, et c'était le plus gros importateur de cuivre, d'indigo, de coton, de laine, de sel, de fer, de papier et de marchandises anglaises de tout genre. Des boutiquiers tels que James Grun, à l'enseigne de l'éléphant, à Cheapside, les Russell, à l'enseigne de l'aigle d'or, de l'autre côté du grand pont, ou encore Clark et Nightingale, à l'enseigne de la poêle à frire, près du café neuf, s'approvisionnait presque uniquement chez lui. Enfin, des arrangements avec les distillateurs locaux, les laitiers et les éleveurs de chevaux indiens et les fabricants de chandelles de Newport faisaient de lui un des premiers exportateurs de la colonie. Bien qu'il fût frappé d'ostracisme, il ne manquait pas d'un certain esprit civique. Lorsque la maison du gouverneur eut été détruite par le feu, il participa généreusement à sa reconstruction en 1761. La même année, il aida à rebâtir le grand pont après la tempête d'octobre. Il remplaça plusieurs livres détruits dans l'incendie de la bibliothèque municipale. Enfin, le jour où certains fidèles se séparèrent de l'église du docteur Cotton pour fonder l'église du diacre Snow, Kerouen se joignit à eux. Son zèle religieux ne tarda pas à diminuer, mais quand il se vit condamné à un isolement qui menaçait de le mener à la ruine, il se remit à cultiver la piété. Le spectacle de cet homme étrange au visage blême, à peine âgé de 40 ans en apparence et pourtant vieux de plus d'un siècle, essayant d'échapper à la vague de crainte et de haine dont il était l'objet, paraissait à la fois pathétique et méprisable. Telle est la puissance de la richesse et de certains gestes que l'aversion publique à son égard diminua un peu, surtout lorsque ses marins cessèrent brusquement de disparaître. En outre, on ne le vit plus jamais errer dans les cimetières et on parla beaucoup moins des bruits sinistres qui se faisaient entendre dans sa ferme de Pawtuxet Road. Il continua à faire entrer dans sa maison des quantités considérables de nourriture et à remplacer ses troupeaux de bétail. Mais avant le jour où ses livres de comptes furent examinés par Charles Ward, nul ne songea à établir une troublante comparaison entre le grand nombre de nègres de Guinée qu'il importa jusqu'en 1766 et le petit nombre de ces mêmes noirs pour lesquels il pouvait produire des actes de vente soit aux marchands d'esclaves du Grand Pont, soit aux planteurs du territoire de Narragansett. Naturellement, cet amendement tardif ne produisit pas beaucoup d'effet. On continua d'éviter Kerouen avec méfiance, et il comprit que ses affaires ne tarderaient pas à être compromises. Ses études et ses expériences, quelle qu'en fût la nature, devaient nécessiter un revenu considérable. En outre, il ne lui servit à rien de changer de lieu de résidence, car cela lui aurait fait perdre tous les avantages de sa situation commerciale. La raison lui ordonnait d'améliorer ses rapports avec les habitants de la ville, afin que sa présence ne fût plus le signal de la fin des conversations, de mauvaises excuses pour prendre congé et d'une atmosphère de malaise général. Ses commis lui causaient beaucoup de soucis, car c'était de pauvres airs que personne d'autre ne voulait employer. Quant à ses capitaines et à leurs seconds, il ne les gardait que dans la mesure où il pouvait exercer sur eux un certain ascendant, soit par une hypothèque, soit par un billet à ordre, soit par des renseignements précis sur leur vie privée. Dans plusieurs cas, s'il faut en croire les journaux intimes du temps, Kerouen fit preuve d'un véritable pouvoir magique pour découvrir des secrets de famille à des fins peu avouables. Au cours des 5 dernières années de son existence, il sembla que seules des conversations directes avec des gens morts depuis longtemps aient pu lui fournir les renseignements qu'il était prêt à débiter avec tant de volubilité. Vers cette époque, le rusé marchand trouva un expédient suprême pour reprendre son rang dans la communauté. Il résolut d'épouser une jeune fille dont la situation sociale rendrait impossible l'ostracisme qui le frappait. Peut-être aussi avait-il des raisons plus profondes de désirer se marier, des raisons tellement dehors de notre sphère que seuls des papiers découverts 150 ans après sa mort ont permis d'en soupçonner l'existence. Mais on ne saura jamais rien de certain à ce sujet. Se rendant compte de l'horreur indignée qu'il susciterait en faisant sa cour selon les coutumes établies, il chercha une candidate sur les parents de laquelle il put exercer une pression suffisante. Tâche très difficile, car il voulait que sa future épouse possédât une grande beauté, une éducation parfaite et une position sociale inattaquable. Finalement, son choix se porta sur la fille d'un de ses meilleurs capitaines, nommé Duty Tillinghast, veuf d'excellente famille et de réputation sans tache, qui, par manque d'argent, se trouvait complètement sous la domination de Kerouen. Après une terrible entrevue avec son armateur, le marin donna son consentement à cette union monstrueuse. Elisa Tillinghast, âgée de 18 ans à cette époque, avait été aussi bien élevée que les maigres ressources de son père le permettaient. Non seulement elle avait fréquenté l'école de Stephen Jackson, mais encore elle avait appris tous les arts de la vie domestique. Depuis la mort de sa mère, emportée par la variole en 1757, elle tenait la maison avec l'aide d'une seule servante noire. Elle dut avoir une explication très pénible avec son père au sujet du mariage qu'il lui imposait, mais aucun document écrit n'en fait mention. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle rompit ses fiançailles avec le jeune Ezra Whedon, premier lieutenant de l'Enterprise, et que son union avec Joseph Kerouen fut célébrée le 7 mars 1767 à l'église Baptiste, en présence des personnalités les plus distinguées de la ville. La Gazette mentionna la cérémonie en un compte-rendu très bref, qui semble avoir été coupé ou déchiré dans les numéros de ce journal encore existant. Ward en trouva un seul intact, après de longues recherches, dans les archives d'un collectionneur célèbre. Il était rédigé dans les termes suivants. Lundi dernier, Mr. Joseph Kerouen, marchand de cette ville, a épousé Mademoiselle Elisa Tillinghast, fille du capitaine Duty Tillinghast, jeune personne qui, en même temps que la beauté, possède un réel mérite de nature à faire honneur à l'état de mariage et à perpétuer sa qualité. La série des lettres d'Orphée Hammold, découverte par Charles Ward dans la collection de Melville Peters, de George Strait, jette une vive lumière sur l'indignation suscitée par cette union mal assortie. Néanmoins, l'influence sociale des Tillinghast gardait tout son poids. Et de nouveau, Joseph Curwen reçut les visites de gens qu'il n'aurait jamais amené, dans d'autres circonstances, à franchir le seuil de sa demeure. S'il ne fut pas reçu par tout le monde, il cessa d'être l'objet d'un ostracisme général. Le comportement de l'étrange marié à l'égard de son épouse surprit tout le monde. Il n'y eut plus aucune manifestation inquiétante dans la maison neuve d'Olney Court, et bien que Curwen se rendît très souvent à sa ferme, où il n'emmena jamais sa jeune femme, sa conduite devint presque normale. Une seule personne lui manifesta une hostilité marquée, Ezra Whedon, le jeune officier de marine, dont les fiançailles avec Eliza Tillinghast avaient été si brutalement rompues. Il avait juré publiquement de se venger et s'employait à espionner Curwen avec une opiniâtreté haineuse qui ne présageait rien de bon pour son heureux rival. Le 7 mai 1765 naquit Anne Curwen. Elle fut baptisée par le révérend John Graves de King's Church. Le mari et la femme, étant respectivement congrégationalistes et baptistes, avaient adopté d'un commun accord l'église épiscopale pour leur fille. On ne trouve pas mention de cette naissance dans la plupart des documents ecclésiastiques et municipaux où elle devrait figurer, et Charles Ward eut beaucoup de mal à la découvrir. Il dut pour cela correspondre avec les héritiers du docteur Graves, qui, fidèle sujet du roi, avait emporté avec lui un duplicatum des registres paroissiaux quand il abandonna son pastorat au moment de la Révolution. Ward puisa cette source parce qu'il savait que sa trisaïeule, Anne Tillinghast Potter, avait appartenu à l'église épiscopale. Peu de temps après la naissance de sa fille, événement qu'il accueillit avec une ferveur contrastant avec sa froideur habituelle, Curwen décida de poser pour son portrait. Il le fit exécuter par un Écossais plein de talent, nommé Cosmo Alexander, qui résidait à ce moment-là à Newport. On rapporte que l'image fut peinte sur un panneau de la bibliothèque de la maison d'Olney Court. À cette époque, le marchand donna des signes de distraction extraordinaires et passa le plus clair de son temps à la ferme de Pawtuxet Road. Il paraissait en proie à une agitation réprimée, comme s'il attendait un événement phénoménal ou s'il allait faire une étrange découverte dans le domaine de l'alchimie. Il ne cessa pas d'affecter de prendre un grand intérêt à la vie de la communauté et ne perdit pas une occasion d'élever le niveau culturel de la ville. En 1763, il avait permis à Daniel Jenkins d'ouvrir sa librairie dont il fut par la suite le meilleur client. De même, il prêta une aide financière substantielle à la Gazette qui paraissait tous les mercredis à l'enseigne de la tête de Shakespeare. En politique, il se montra farouche partisan du gouverneur Hopkins contre le parti de Ward, particulièrement puissant à Newport, ville rivale de Providence. Mais Ezra Whedon, qui le surveillait de près, se moquait cyniquement de cette activité extérieure et jurait qu'elle dissimulait un commerce innommable avec les plus noirs abîmes du Tartare. Chaque fois qu'il était à terre, le jeune homme passait des nuits entières non loin des quais, tenant un canot près quand il voyait des lumières briller dans les entrepôts de Curwen, et suivant la petite embarcation qui parfois s'éloignait furtivement dans la baie. Il montait aussi la garde près de la ferme de Pawtuxet Road, et fut une fois cruellement mordu par les chiens que les deux domestiques lâchèrent sur lui. En juillet 1766, se produisit la dernière métamorphose de Joseph Curwen. Elle fut très soudaine et très remarquée par les habitants de la ville. L'expression d'attente fit place à un air de triomphe exaltant. Le marchand semblait avoir du mal à s'empêcher de discourir en public sur ce qu'il avait découvert, appris ou fait. Mais selon toute apparence, la nécessité de garder le secret l'emporta sur l'envie de faire partager sa joie, car il ne fournit jamais aucune explication. C'est alors que le sinistre savant commença à stupéfier les gens par sa connaissance de faits que seuls leurs ancêtres défunts auraient pu lui communiquer. Mais les activités clandestines de Curwen ne cessèrent pas pour autant. Au contraire, elles semblèrent s'accroître, si bien que le soin de ses affaires incomba de plus en plus à ses capitaines qui lui étaient attachés par les liens de la peur. Il abandonna complètement le commerce des esclaves, sous prétexte que les bénéfices ne cessaient pas de diminuer. Il passait à sa ferme tout le temps qu'il pouvait. Et, selon certaines rumeurs, on le trouvait parfois dans les parages des cimetières. Ezra Whedon, quoique ses périodes d'espionnage fussent nécessairement brèves et intermittentes en raison de ses voyages en mer, avait plus d'opiniâtreté que les campagnards et les gens de la ville. C'est pourquoi il soumit les affaires de Corwin à une surveillance sans précédent. Plusieurs manœuvres bizarres des vaisseaux du marchand avaient été considérées comme naturelles, à une époque où tous les colons semblaient résolus à lutter contre les dispositions de la loi sur le sucre qui entravaient un commerce important. La contrebande était chose commune dans la baie de Narragansett, où l'on débarquait de nuit des cargaisons illicites. Mais Whedon, après avoir suivi plusieurs fois les gabarres et les sloops qui s'éloignaient furtivement des bassins de Town Street, eut bientôt la certitude que Joseph Corwin n'était pas uniquement soucieux d'éviter les navires armés de Sa Majesté. Avant la métamorphose de 1766, ces embarcations avaient contenu pour la plupart des nègres enchaînés que l'on débarquait en un point du rivage juste au nord du village de Pawtuxet, pour les conduire ensuite à la ferme où on les enfermait dans l'énorme bâtiment de pierre dont les fenêtres étaient réduites à d'étroites fentes. À partir de juillet 1766, Kerouen cessa d'importer des esclaves et pendant un certain temps, il n'eut plus de navigation nocturne. Puis, vers le printemps de 1767, Gabar et Sloop recommencèrent à quitter les bassins. Mais à présent, ils allaient très loin dans la baie jusqu'à Nanquit Point, où ils recevaient les cargaisons d'étranges navires d'une taille considérable. Ensuite, les marins de Kerouen transportaient ces cargaisons jusqu'à la ferme, où on les déposait dans le bâtiment de pierre qui servait autrefois de prison aux esclaves. Elle se composait presque entièrement de caisses, dont certaines, lourdes et oblongues, ressemblaient fort à des cercueils. Whedon surveillait la ferme avec assiduité. Il laissait rarement s'écouler une semaine sans y faire une expédition nocturne, sauf lorsque la neige recouvrait le sol et aurait gardé l'empreinte de ses pas. Afin d'assurer le guet pendant qu'il était en mer, il requit les services d'un compagnon de taverne nommé Eleazar Smith. À eux deux, ils auraient pu répandre des rumeurs extraordinaires. Ils n'en firent rien, parce qu'ils jugeaient que la moindre publicité mettrait leur proie en garde et les empêcherait d'aller plus loin. Or, ils désiraient en savoir davantage avant d'agir. En vérité, ils durent apprendre des choses effarantes, et Charles Ward dit plusieurs fois à ses parents combien il regrettait que Whedon eût brûlé ses carnets de notes. Tout ce que l'on sait de leur découverte vient du journal intime assez incohérent d'Eleazar Smith et des lettres de certains épistoliers de l'époque. Document d'où il ressort que la ferme était seulement l'enveloppe extérieure d'une formidable menace dont l'étendue ne pouvait se saisir clairement. Whedon et Smith furent très tôt persuadés que sous terre s'étendait une série de tunnels et de catacombes où vivaient de nombreux serviteurs, outre le vieil Indien et sa femme. La maison d'habitation était un vieux logis du début du XVIIe siècle, avec d'énormes cheminées et des fenêtres très hissées, le laboratoire se trouvant dans un appentis exposé au nord, à l'endroit où le toit atteignait presque le sol. Ce bâtiment était à l'écart de tous les autres. Néanmoins, en jugé par les voix que l'on entendait parfois à l'intérieur, il devait être accessible par des passages souterrains. Jusqu'en 1766, ces voix n'étaient que les murmures et les cris des esclaves, accompagnés de curieuses invocations psalmodiées. Après cette date, elles changèrent de façon terrible, en acquiescements mornes, explosions de fureur frénétique, gémissements suppliants, allaitements avides, cris de protestation. Elles s'exprimaient en différentes langues, toutes connues de Corwin, qui proférait d'un ton âpre des menaces ou des reproches. Parfois il semblait qu'il y eût plusieurs personnes dans la maison Corwin, quelques captifs et les gardiens de ces captifs. Des voix s'exprimaient en des langues que ni Whedon ni Smith n'avaient jamais entendues, malgré leur grande connaissance des ports étrangers. Les conversations ressemblaient toujours à une espèce d'interrogatoire. On aurait dit que Corwin arrachait des renseignements à des prisonniers terrifiés ou rebelles. Whedon n'a pu noter que certaines phrases des dialogues en anglais, en français et en espagnol. En dehors des entretiens où l'on discutait les affaires passées des familles de Providence, la plupart des questions et des réponses portaient sur des sujets historiques ou scientifiques appartenant parfois à un passé très lointain. Un jour, par exemple, un personnage alternativement furieux et morose fut interrogé en français sur le massacre du prince noir à Limoges, en 1370, comme s'il y avait une raison secrète que le prisonnier aurait dû savoir. Kerouen demanda à son captif si l'ordre avait été donné à cause du signe du bouc découvert sous l'autel de la crypte romaine de la cathédrale, ou parce que l'homme noir de la Haute-Vienne avait prononcé les trois mots. N'ayant pu réussir à obtenir de réponse, l'inquisiteur avait dû recourir à des moyens extrêmes, car on entendit un cri formidable, suivi par un grand silence et un bruit sourd. Aucun de ces colloques n'eut de témoin oculaire, les fenêtres étant toujours cachées par de lourds rideaux. Une nuit, pourtant, pendant un discours dans une langue inconnue, Whedon vit apparaître sur un rideau une ombre qui le bouleversa. Elle lui rappela un des personnages d'un spectacle de marionnettes présenté à l'automne de 1764 à Hatcher's Hall par un montreur venu de Germantown, Pennsylvanie, et qui s'intitulait « Vue de la célèbre cité de Jérusalem, en laquelle sont représentés Jérusalem, le temple de Salomon, son trône royal, les célèbres tours et collines, ainsi que les tourments de notre Seigneur depuis le jardin de Gethsemane jusqu'au calvaire du Golgotha. » Cette nuit-là, l'espion, posté tout contre la fenêtre de la salle de devant où avait lieu la conversation, sursauta si fort qu'il donna l'éveil aux deux serviteurs indiens qui lâchèrent les chiens sur lui. Par la suite, on n'entendit plus jamais parler dans la maison et Whedon et Smith en conclurent que Kerouen avait transféré son champ d'action aux régions souterraines. Plusieurs détails prouvaient l'existence de celle-ci. Des cris et des gémissements étouffés montaient du sol de temps à autre, en des lieux éloignés de toute habitation. En outre, on découvrit, caché dans les buissons au bord de la rivière, à l'endroit où les hautes terres s'abaissent en pente raide jusqu'à la vallée de Pawtuxet, une porte de chêne massif encastrée dans une arche en maçonnerie qui donnait accès à des cavernes creusées dans la colline. Whedon fut incapable de dire quand et comment ces catacombes avaient pu être construites, mais il souligna fréquemment que des ouvriers venus de la rivière pouvaient facilement s'y rendre sans être vus. En vérité, Joseph Kerouen faisait faire à ses matelots de singulières besognes. Pendant les grosses pluies du printemps de 1769, les deux espions guettèrent avec une attention soutenue la berge escarpée de la rivière pour voir si quelque secret souterrain serait mis à jour par les eaux. Ils furent récompensés de leur patience par le spectacle d'une profusion d'ossements humains et animaux à certains endroits de la rive où la pluie avait creusé de véritables ravins. Naturellement, ceci pouvait paraître normal, à proximité d'une ferme d'élevage, dans un coin de pays où abondaient les anciens cimetières indiens. Mais Whedon et Smith aboutirent à des conclusions différentes. En janvier 1770, alors que les deux jeunes gens se demandaient encore ce qu'ils devaient penser ou faire, se produisit l'incident du Fortaleza. Exaspéré par l'incendie criminel du garde-côte Liberty de Newport au cours de l'été précédent, l'amiral Wallace, commandant la flotte de la douane, avait fait renforcer la surveillance des navires étrangers. En l'occurrence, un jour, à l'aube, la goélette Cygnet, sous les ordres du capitaine Harry Lesch, captura, après une brève poursuite, la Fortaleza de Barcelone, capitaine Manuel Arruda, parti du Caire à destination de Providence. Quand on fouilla le navire, on s'aperçut avec stupeur que sa cargaison se composait uniquement de momies égyptiennes adressées aux matelots abaissés, qui devaient venir en prendre livraison dans une gabarre au large de Nanquit Point, et dont le capitaine Arruda refusa de révéler l'identité. Le tribunal maritime de Newport se trouva fort embarrassé, car d'une part, la cargaison n'était pas une denrée de contrebande, mais d'autre part, le Fortaleza avait effectué une entrée illégale. On s'arrêta à un compromis. Le bateau fut relâché, avec interdiction de mouiller dans les eaux de Rhode Island. Par la suite, on rapporta qu'on l'avait vu dans les parages du port de Boston, mais il n'y pénétra jamais ouvertement. Cet incident bizarre ne manqua pas de susciter l'attention des habitants de Providence, dont plusieurs établirent un rapport entre les momies du Fortaleza et Joseph Kerouen. Les études et les expériences du sinistre vieillard étant connues de tout le monde, ainsi que son goût morbide pour les cimetières, il semblait être le seul citoyen de la ville auquel cette lugubre cargaison put être destinée. Comme s'il se fût rendu compte de cette opinion, le vieux marchand prit soin de discourir en plusieurs occasions sur la valeur chimique des baumes trouvés dans les momies, pensant peut-être qu'il pourrait donner à cette affaire un aspect à peu près normal, tout en n'admettant pas y avoir participé. Quant à Whedon et Smith, naturellement, ils se lancèrent dans les théories les plus extravagantes sur Joseph Corwin et ses monstrueux travaux. Au printemps suivant, il y eut à nouveau de lourdes pluies, et les deux jeunes gens observèrent avec attention la berge de la rivière derrière la ferme. De grandes étendues de terre furent emportées par les eaux. Des ossements furent mis à nu, mais les guetteurs ne virent aucune caverne souterraine. Toutefois, dans le village de Pawtuxet, à 1 mile en aval, là où la rivière forme une chute par-dessus une terrasse rocheuse, se répandit une rumeur singulière. Les paisibles pêcheurs dont les barques étaient ancrées dans le petit port somnolent, non loin du pont rustique, affirmèrent avoir vu des corps flottant apparaître l'espace d'une minute au moment où ils franchissaient la cataracte. Certes, la Pawtuxet est une longue rivière qui serpente à travers plusieurs régions très peuplées où abondent les cimetières, et les pluies avaient été torrentielles. Mais les pêcheurs furent désagréablement impressionnés par le regard fou d'un des corps au moment où il fut projeté au bas de la chute et par le faible cri poussé par un autre qui, d'après son état, aurait dû être parfaitement incapable de crier. En apprenant cette nouvelle, Smith, en l'absence de Whedon, se hâta d'aller examiner la berge derrière la ferme, où aurait dû se produire un éboulement considérable. Néanmoins, il ne vit pas la moindre trace d'un passage, car l'avalanche en miniature avait formé une muraille de terre et d'arbustes déracinés. À l'automne de 1770, Whedon décida que le moment était venu de faire part à d'autres de ses découvertes, car il disposait d'un enchaînement de faits précis et d'un témoin oculaire, prêt à garantir que la jalousie et le désir de vengeance n'avaient pas échauffé son imagination. Il prit pour premier confident le capitaine de l'Enterprise, James Matthewson, qui d'une part le connaissait suffisamment pour ne pas mettre en doute sa véracité, et d'autre part avait assez d'influence dans la ville pour être écouté avec respect. L'entretien eut lieu dans une salle de la taverne de Sabine, près du port, en présence de Smith, et le capitaine Matthewson parut très impressionné par les déclarations de son premier lieutenant. Comme tous les autres habitants de Providence, il nourrissait de noirs soupçons à l'égard de Corwin. Il n'avait besoin que de quelques renseignements supplémentaires pour être entièrement convaincu. Il enjoignit aux deux jeunes gens d'observer un silence absolu, se réservant de consulter lui-même une dizaine des notables les plus cultivés de la ville. De toute façon, il faudrait garder le secret, car l'affaire ne pouvait être réglée par la police ou la milice. Par-dessus tout, on devait tenir la foule dans l'ignorance pour éviter une répétition de la terrible panique de Salem qui avait fait partir Corwin pour Providence un siècle auparavant. Il comptait s'adresser aux personnalités suivantes. Le docteur Benjamin West, auteur d'un traité sur le transit de Vénus, le révérend James Manning, doyen de l'université, l'ex-gouverneur Stephen Hopkins, membre honoraire de la Société philosophique de Newport, John Carter, éditeur de la Gazette, les quatre frères Brown, John, Joseph, Nicolas et Moïse, mania de la ville, Joseph étant un chimiste amateur très compétent, le vieux docteur Jabez Brown, érudit considérable, qui était fort bien renseigné sur les achats bizarres de Kerwin, et le capitaine Abraham Whipple, corsaire d'une énergie et d'une hardiesse phénoménale. Ces hommes, s'ils prêtaient à Matthewson une oreille favorable, pourraient se réunir ensuite afin de décider s'ils devaient consulter, avant d'agir, le gouverneur de la colonie, Joseph Wanton, de Newport. Le capitaine Matthewson réussit au-delà de ses espérances. Si deux ou trois des notables firent quelques réserves sur le récit de Whedon, tous estimèrent nécessaire d'agir en commun et en secret. Corwin constitue une menace à l'égard de la prospérité de la ville et de la colonie. Il fallait à tout prix l'éliminer. À la fin de décembre 1770, il y eut une réunion générale chez Stephen Hopkins. Le capitaine Matthewson lut les notes de Whedon. Celui-ci et son ami Smith furent convoqués pour préciser certains détails. Avant la fin de la conférence, l'assemblée se sentit en proie à une terreur vague. Mais à cette crainte était mêlée une résolution farouche que le capitaine Whipple exprima par des jurons retentissants. On décida de ne rien dire au gouverneur, car il fallait avoir recours à des mesures extra-légales. Il pouvait être dangereux de donner l'ordre de quitter la ville à un homme comme Corwin, qui semblait disposer de forces surnaturelles. En outre, même s'il obéissait sans exercer de représailles, on n'aurait abouti qu'à transporter la menace dans un autre lieu. Le marchand devait être surpris dans sa ferme par une troupe de corsaires endurcis et on lui donnerait une ultime chance de s'expliquer. Si c'était simplement un fou qui s'amusait à tenir des conversations imaginaires en imitant des voix différentes, on se contenterait de l'enfermer. Si les abominations souterraines s'avéraient bien réelles, Kerwen et tous ses serviteurs devaient mourir. Les choses pouvaient se faire sans bruit, sa veuve et son beau-père ne sauraient jamais ce qui s'était passé. Pendant que les conjurés discutaient ces mesures, il se produisit dans la ville un incident si terrible, si inexplicable, qu'on en parla longtemps à plusieurs milles à la ronde. Par une nuit de janvier, alors que la lune brillait claire et qu'une épaisse couche de neige recouvrait le sol, on entendit sur la rivière et sur la colline résonner une série de cris affreux. Puis les gens qui habitaient près de Weybosset Point virent une grande forme blanche courir désespérément sur le terrain mal défriché devant la tête de Turc. Des abois de chiens retentissaient dans le lointain, mais ils se calmèrent dès que la rumeur de la ville éveillée se fit entendre. Des groupes d'hommes munis de lanternes et de mousquets se hâtèrent de gagner les lieux, mais ils ne purent rien découvrir. Cependant, le lendemain matin, un corps gigantesque, bien musclé, complètement nu, fut trouvé sur la glace accumulée contre les piles sud du grand pont et l'identité du cadavre devint le thème d'innombrables hypothèses. Ceux qui échangèrent des conversations à bas basse à ce sujet étaient tous des vieillards, car le visage rigide, aux yeux pleins d'horreur, n'éveillait de souvenirs que dans la mémoire des patriarches. Or, ces derniers reconnurent dans ce corps au trait hideux un homme qui était mort plus de 50 ans auparavant. Ezra Whedon assista à la découverte du cadavre. Se rappelant les aboiements des chiens entendus la veille, il s'achemina le long de Weybosset Street et traversa le pont de Muddy Dock où les cris avaient retenti. En atteignant la limite du district habité, à l'endroit où la rue débouche sur la route de Pawtuxet, il trouva de curieuses traces dans la neige. Le géant nu avait été poursuivi par des chiens et des hommes bottés dont les empreintes de pas allaient vers la ville et en repartaient. Les chasseurs avaient renoncé à leur poursuite en arrivant près des maisons. Whedon eut un sourire farouche, puis entreprit de suivre la piste jusqu'à son point de départ. Comme il s'y attendait, c'était la ferme de Joseph Kerwen. Le docteur Bowen, auquel il alla faire aussitôt son rapport, fut complètement décontenancé en effectuant l'autopsie du cadavre. L'appareil digestif semblait n'avoir jamais fonctionné, tandis que la peau avait une texture grossière parfaitement inexplicable. Ayant entendu dire que le corps ressemblait au forgeron Daniel Green, mort depuis bien longtemps, dont le petit-fils, Aaron Hoppin, était un subrégargue au service de Kerwen, Whedon s'enquit de l'endroit précis où Green avait été enseveli. Cette nuit-là, 10 hommes se rendirent au cimetière du Nord et ouvrirent sa tombe. Conformément à leurs prévisions, elle était vide. Cependant, on avait pris des dispositions pour intercepter le courrier de Joseph Kerwen, et peu de temps avant la découverte du cadavre nu, une lettre d'un certain Jedediah Horn de Salem donna beaucoup à penser aux conjurés. En voici un extrait dont la copie fut trouvée par Charles Ward dans les archives d'une famille de la ville. « Je me réjouis d'apprendre que vous continuez de vous procurer à votre guise des choses d'autrefois, et crois que jamais on ne fit mieux à Salem Village » chez Mr. Hutchinson. Assurément, il n'y avait rien que de très abominable dans ce que H a fait surgir en partant de ce qu'il n'avait pu réunir dans sa totalité. Votre envoi n'a point opéré, soit parce qu'il manquait quelque chose, soit parce que vos mots avaient été mal copiés par vous ou mal prononcés par moi. Seul, je me trouve fort embarrassé. Je ne possède pas vos connaissances en chimie pour pouvoir suivre Borellus, et je m'avoue déconcerté par le 7e livre du Necronomicon que vous me recommandez. Mais je voudrais vous remettre en mémoire ce qui nous avait été dit sur le soin que nous devons prendre d'évoquer celui qui convient, car vous avez fait connaissance de ce qu'a écrit Mr. Mather dans son Magnolia 2, et vous pouvez juger que cette abomination est relatée par lui en toute véracité. Je vous le dis encore une fois, n'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer. J'entends aucun esprit qui, à son tour, puisse évoquer quelque chose contre vous, par quoi vos stratagèmes les plus puissants seraient réduits à néant. Adressez-vous aux petits, de crainte que les grands ne veuillent pas répondre, et ordonne à votre place. J'ai été pénétré de terreur en lisant que vous saviez ce que Ben Zaritznamik possède dans son coffre d'ébène, car je savais qu'il avait dû vous le dire. À nouveau, je vous demande de m'écrire au nom de Jedediah et non point de Simon. Il est dangereux de vivre trop longtemps dans cette communauté, et vous connaissez le plan par lequel je suis revenu sous la forme de mon fils. Je désirerais que vous me fassiez connaître ce que l'homme noir a appris de Sylvanus Cocidius dans la crypte, sous le mur romain, et je vous serais très obligé de vouloir bien me prêter le manuscrit dont vous parlez. » Une autre lettre, anonyme celle-là, et venant de Philadelphie, renfermait un passage non moins inquiétant. « Je me conformerai à votre demande d'envoyer les comptes que par vos navires, mais je ne suis pas toujours sûr de la date de leur arrivée. Pour la question dont vous m'avez parlé, je n'ai besoin que d'une seule chose de plus, mais je voudrais être sûr de vous avoir bien compris. Vous me dites que nulle partie ne doit manquer si l'on veut obtenir les meilleurs effets, mais vous n'ignorez pas combien il est difficile d'avoir une certitude. Ce me paraît un grand risque et un lourd fardeau d'emporter toute la caisse, et en ville, c'est-à-dire dans les églises de Saint-Pierre, Saint-Paul ou Sainte-Marie, c'est absolument impossible. Mais je sais quelles imperfections il y avait dans celui qui fut ressuscité en octobre dernier, et combien de spécimens vivants vous avez dû utiliser avant de découvrir la juste méthode en 1766. C'est pourquoi je me laisserai toujours guider par vous en toutes choses. J'attends l'arrivée de votre brique avec impatience, et je vais aux nouvelles tous les jours au quai de Mr. Biddle. » Une troisième lettre suspecte était rédigée dans une langue et un alphabet inconnus. Une seule combinaison de caractères, maintes fois répétée, se trouve gauchement copiée dans le journal intime de Smith, que trouva Charles Ward. Des professeurs de l'université Brown ont déclaré qu'il s'agissait de l'alphabet amharique ou abyssin, mais ils n'ont pas pu identifier le mot. Aucune des épîtres précitées ne fut jamais remise à Kerwin. Toutefois, la disparition de Jedediah Horn de Salem, qui se produisit peu de temps après, montra que les conjurés de Providence surent agir sans bruit. En outre, le docteur Shippen, président de la Société historique de Pennsylvanie, reçut de curieuses lettres au sujet d'un citoyen indésirable de Philadelphie. Mais des mesures plus décisives allaient être prises, et c'est dans les réunions nocturnes des marins et des corsaires, dans les entrepôts des frères Brown, que nous devons chercher les fruits des découvertes de Whedon. Lentement et sûrement, on mettait sur pied un plan de campagne qui ne laisserait pas subsister la moindre trace des néfastes mystères de Joseph Kerwin. Ce dernier, malgré toutes les précautions prises, devait se douter de quelque chose, car il avait l'air inquiet et préoccupé. On voyait sa voiture à toute heure en ville et sur la route de Port Oxford. Peu à peu, il perdit son expression de cordialité contrainte, par laquelle il avait tenté de lutter contre les préjugés de ses concitoyens. Les plus proches voisins de sa ferme, les Fenner, remarquèrent un soir un grand faisceau de lumière jaillissant du toit du mystérieux bâtiment de pierre aux fenêtres excessivement hautes et étroites. Ils se hâtèrent de communiquer la nouvelle à John Brown. Celui-ci était devenu le chef des conjurés et avait informé les Fenner qu'on s'apprêtait à agir contre Kerwin. Il s'était résigné à faire cette communication fermier, car ils assisteraient forcément à l'attaque finale. Il leur expliqua l'expédition projetée en disant que Kerwin était un espion des employés de la douane de Newport, contre lesquels tous les armateurs, marchands et fermiers de Providence s'insurgeaient ouvertement ou clandestinement. Nul ne saurait dire si les Fenner ajoutèrent foi à ces déclarations, mais ils avaient vu trop de choses étranges chez leurs voisins pour ne pas le charger volontiers d'un péché supplémentaire. Mr. Brown leur avait confié le soin de surveiller la ferme de Kerwin et de lui rapporter tous les incidents qui s'y produiraient. L'apparition de cet étrange faisceau lumineux semblait prouver que le marchand allait tenter une entreprise inhabituelle. Il fallait donc agir sans plus tarder. Selon le journal intime de Smith, une troupe de 100 hommes se réunit à 10 heures du soir, le 12 avril 1771, dans la grande salle de la taverne de Thurston, à l'enseigne du Lion d'Or, de l'autre côté du pont. Étaient présents parmi les notables John Brown, chef des conjurés, le président Manning, dépourvu de l'énorme perruque qu'il avait rendue célèbre dans tout le pays, le docteur Bowen, muni de sa trousse d'instruments chirurgicaux, le gouverneur Hopkins, enveloppé dans un manteau noir et accompagné de son frère Ash, qu'il avait mis dans la confidence au dernier moment. John Carter, le capitaine Matthewson et le capitaine Whipple, qui devaient assurer le commandement des opérations. Ces hommes conférèrent dans une pièce sur le derrière de la taverne. Puis le capitaine Whipple pénétra dans la grande salle et donna les dernières instructions aux marins rassemblés. Eleazar Smith se trouvait avec les chefs dans la pièce de derrière, attendant l'arrivée d'Ezra Whedon, qui avait pour mission de surveiller Kerwin et de venir annoncer le départ de sa voiture pour la ferme. Vers 10h30, on entendit un grondement sourd sur le grand pont, suivi par le bruit d'une voiture dans la rue. Le condamné venait de partir pour sa dernière nuit de magie blasphématoire. Quelques instants plus tard, Whedon apparut, et les conjurés allèrent s'aligner en bon ordre dans la rue, portant sur l'épaule un mousquet, une canardière ou un harpon à baleine. Les chefs présents pour le service actif étaient le capitaine Whipple, le capitaine Ash Hopkins, John Carter, le président Manning, le capitaine Matthewson et le docteur Bowen. Moses Brown se joignit à eux vers 11h. Naturellement, Whedon et Smith faisaient partie du groupe. Ces hommes et leurs 100 matelots se mirent en marche sans plus attendre, le cœur plein d'une résolution farouche. Ils gagnèrent, par Broad Street, la route de Pawtuxet. Après avoir dépassé l'église d'Elder Snow, certains se retournèrent pour regarder la ville endormie sous les étoiles. Pignons et clochers se détachaient en noir sous le ciel, et une brise marine soufflait doucement. Vega montait derrière la grande colline de l'autre côté de la rivière, au pied de cette éminence couronnée d'arbres et tout le long de ses pentes. La vieille cité de Providence rêvait, tandis que certains de ses fils s'apprêtaient à la purger d'un mal monstrueux. Une heure plus tard, les conjurés arrivèrent chez les Fenner, où on leur fit un dernier rapport sur leur victime. Kerwin avait gagné sa ferme une demi-heure auparavant, et l'étrange faisceau lumineux avait jailli dans le ciel peu de temps après, mais on ne voyait aucune fenêtre éclairée. Au moment même où les conjurés apprenaient cette nouvelle, une autre lueur fulgurante monta vers le sud, et ils comprirent qu'ils se trouvaient sur le théâtre d'événements surnaturels. Le capitaine Whipple sépara ses forces en trois groupes. L'un, composé de 20 hommes, sous les ordres d'Eleazar Smith, devait gagner le rivage de la mer et garder le débarcadère en prévision de la venue éventuelle de renforts pour Kerwin et, le cas échéant, servir de réserve ultime. 20 autres hommes, commandés par le capitaine Ash Hopkins, se glisseraient dans la petite vallée derrière la ferme et démoliraient la porte de chêne massif encastrée dans la rive abrupte. Le troisième groupe devait se concentrer sur la ferme et les bâtiments adjacents. Cette dernière troupe comprenait trois subdivisions. Le capitaine Matthewson conduirait la première au mystérieux bâtiment de pierre muni d'étroites fenêtres. La deuxième suivrait le capitaine Whipple jusqu'à la maison d'habitation. La troisième encerclerait toute la ferme jusqu'à ce que retentît un signal d'alarme. Au son d'un seul coup de sifflet, le groupe Hopkins démolirait la porte, puis attendrait et capturerait tout ce qui pourrait venir de l'intérieur. Au son de deux coups de sifflet, il pénétrerait par l'ouverture pour arrêter l'ennemi ou rejoindre le gros des assaillants. Le groupe Matthewson se comporterait d'une façon analogue. Il forcerait l'entrée du bâtiment de pierre en entendant un coup de sifflet. Au second coup, il s'introduirait dans tout passage souterrain qu'il pourrait rencontrer et irait combattre avec les autres. Un signal d'alarme de trois coups de sifflet ferait venir la réserve en train de monter la garde. Ces 20 hommes se diviseraient en deux troupes qui envahiraient les profondeurs inconnues sous la ferme et le bâtiment de pierre. Le capitaine Whipple était convaincu de l'existence de ces catacombes. Il avait la certitude que ces signaux seraient entendus et compris par tous. Seule, l'ultime réserve du débarcadère se trouvait hors de portée de son sifflet et nécessiterait l'envoi d'un messager si son aide était requise. Moses Brown et John Carter devaient accompagner le capitaine Hopkins. Le président Manning suivrait le capitaine Matthewson. Le docteur Bowen et Ezra Whedon seraient dans le groupe du capitaine Whipple. L'attaque commencerait sur trois points simultanément, dès qu'un messager de Hopkins aurait averti Whipple que la troupe du débarcadère était à son poste. Les trois divisions quittèrent la ferme des Fenner à 1h du matin. Eleazar Smith, chef du groupe du débarcadère, relate dans son journal une marche paisible et une longue attente près de la baie. À un moment donné, il entendit dans le lointain un bruit étouffé de cris, de hurlements et d'explosions. Ensuite, un de ces hommes perçut des coups de feu et un peu plus tard, Smith lui-même sentit la pulsation de mots formidables au plus haut des airs. Juste avant l'aube, apparut un matelot aux yeux hagards, aux vêtements imprégnés d'une odeur hideuse. Il ordonna aux hommes du détachement de regagner leur logis, de ne jamais souffler mot des événements de la nuit et de ne plus accorder la moindre pensée à celui qui avait été Joseph Kerouen. L'aspect du messager suffit à les convaincre de la véracité de ses paroles. Bien qu'il fût connu de plusieurs d'entre eux, il avait perdu ou gagné dans son âme une chose qui faisait de lui à tout jamais un être à part. Ils eurent la même impression un peu plus tard, quand ils retrouvèrent de vieux amis qui avaient pénétré dans cette zone d'horreur. Tous avaient perdu ou gagné une chose impondérable. Ils avaient vu, entendu ou senti une chose interdite aux humains, et ils ne pouvaient l'oublier. Tous gardèrent un sceau de silence sur les lèvres. Le journal d'Eleazar Smith est le seul compte-rendu écrit de cette expédition qui nous soit resté. Cependant, Charles Ward découvrit quelques renseignements supplémentaires dans des lettres qu'il trouva à New London où avait vécu une autre branche de la famille Fenner. Les Fenner, qui pouvaient voir de chez eux la ferme condamnée, avaient regardé s'éloigner la colonne des assaillants et entendu très nettement les abois furieux des chiens de Kerouen, suivis presque aussitôt par le premier coup de sifflet. Dès que celui-ci avait résonné, le faisceau lumineux avait jailli pour la deuxième fois du bâtiment de pierre. Tout de suite après le second coup de sifflet, l'auteur des lettres, Luke Fenner, fils du fermier, avait entendu un crépitement de mousqueterie suivi par un hurlement si horrible que la mère du jeune homme s'était évanouie. Il fut répété moins fort un peu plus tard, mais d'autres détonations retentirent, en même temps qu'une violente explosion du côté de la rivière. Une heure après, les chiens se remirent à aboyer et il y eut des grondements souterrains tellement forts que les chandeliers tremblèrent sur le dessus de la cheminée. Une odeur de soufre se répandit dans l'air. Ensuite, un nouveau bruit de mousqueterie se fit entendre, auquel succéda un hurlement moins perçant, mais encore plus horrible que les deux autres. C'était alors que la créature flamboyante fit son apparition à l'endroit où devait se trouver la ferme de Kerouen, en même temps que résonnaient des cris de désespoir et de terreur. Une salve de mousqueterie la fit tomber sur le sol, mais une autre monta aussitôt dans les airs. À ce moment, on perçut avec netteté un cri de douleur violente, et Luke Fenner affirme avoir entendu les mots suivants « Ô Tout-Puissant, protège ton agneau !» Puis il y eut de nouvelles détonations, et la deuxième créature flamboyante s'abattit à son tour. Après un silence de trois quarts d'heure environ, Arthur Fenner, frère cadet de Luke, s'exclama qu'il voyait un brouillard rouge monter de la ferme maudite vers les étoiles. Nul autre que l'enfant ne put témoigner de ce phénomène. Mais Luke reconnaît que, au même instant, les trois chats qui se trouvaient dans la pièce donnèrent des signes de terreur panique. Cinq minutes plus tard, un vent glacial se leva et l'air fut imprégné d'une puanteur intolérable, génératrice d'une crainte oppressante plus forte que celle de la tombe ou du charnier. Presque aussitôt retentit la voix formidable que nul de ceux qui l'ont entendue ne pourra jamais oublier. Elle tonna dans le ciel comme la voix même du destin, et les fenêtres vibrèrent tandis que ses derniers échos s'éteignaient. Profonde et harmonieuse, elle était puissante comme un orgue, mais aussi funeste que les livres interdits des Arabes. Elle proférait dans une langue inconnue des paroles que Luke Fenner transcrivit de la façon suivante « Des mes geset bon, dos fudevena entemos ». Jusqu'en 1919, personne ne put identifier cette formule étrange, mais Charles Ward blêmit en reconnaissant ce que Pic de la Mirandole avait dénoncé comme la plus abominable incantation de toute la magie noire. À ce prodige maléfique sembla répondre à un cri humain provenant de la ferme de Kerouen. Après quoi, la puanteur de l'air s'accrut d'une autre odeur également intolérable. Puis vint une plainte prolongée qui montait et descendait alternativement. Parfois elle devenait presque articulée, bien que nul auditeur ne pût discerner aucun mot nettement défini. Et à un moment donné, elle sembla se transformer en un rire démoniaque. Enfin, il eut un hurlement d'épouvante et de folie, jaillit de vingtaines de gorges humaines. Un hurlement qui résonna fort et clair, malgré la profondeur d'où il devait émaner. Ensuite, le silence et l'obscurité régnèrent. des spirales d'âcre fumée montèrent vers les étoiles, en l'absence de toute flamme, car le lendemain, on constata que tous les bâtiments de la ferme étaient intacts. À l'aube, deux messagers effrayés, aux vêtements imprégnés d'une odeur monstrueuse, frappèrent à la porte des fanneurs et leur achetèrent un baril de rhum. L'un d'eux déclara que l'affaire Joseph Corwen était terminée et qu'on ne devait plus jamais parler des événements de la nuit. Bien que cet ordre pût paraître arrogant, l'aspect de celui qui le donna lui prêta une redoutable autorité, sans engendrer le moindre ressentiment. C'est pourquoi les lettres de Luke Fenner à son parent du Connecticut sont les seuls documents relatifs à l'expédition. Encore leur auteur avait-il supplié leurs destinataires de les détruire, mais elles furent conservées, on ne sait pourquoi, malgré cette requête. Charles Ward put ajouter un autre détail après une longue enquête dans le village de Pawtuxet. Le vieux Charles Slocum lui rapporta que son grand-père avait entendu une étrange rumeur au sujet d'un corps carbonisé découvert dans les champs une semaine après la mort de Joseph Corwen. Ce cadavre aux membres convulsés ne ressemblait tout à fait ni à un être humain, ni à aucun animal connu. 8 marins avaient été tués. Leurs cadavres ne furent pas rendus à leur famille, mais celles-ci se contentèrent de la déclaration qui leur fut faite, d'après laquelle les matelots avaient trouvé la mort dans une bagarre contre les employés de la douane. La même déclaration s'appliquait aux nombreux cas de blessures soignées et bandées par le docteur Jabez Bowen. Il était beaucoup plus difficile d'expliquer l'odeur innommable qui se dégageait des vêtements des assaillants, et on en discuta pendant plusieurs semaines. Le capitaine Whipple et Moses Brown, qui avaient été très grièvement blessés, refusèrent de se laisser panser par leurs femmes, à la grande stupeur de ces dernières. Sur le plan psychologique, tous ces hommes étaient considérablement vieillis et ébranlés. Fort heureusement, c'étaient des âmes simples et très pieuses. S'ils avaient possédé une mentalité plus complexe, on aurait pu craindre de les voir sombrer dans la folie. Le président Manning était particulièrement bouleversé, mais il réussit pourtant à annihiler ses souvenirs grâce à des prières constantes. Tous les autres chefs de l'expédition eurent un rôle important à jouer par la suite, ce qui leur permit de retrouver une certaine sérénité d'esprit. On remit à la veuve de Joseph Corwen un cercueil de plomb scellé, d'une forme bizarre, dans lequel on lui disait que gisait le corps de son mari, tué dans un combat contre les employés de la douane, à propos duquel mieux valait ne pas donner de détails. C'est là tout ce que l'on sait sur la fin de Joseph Corwen. Charles Ward ne trouva qu'une seule suggestion qui lui permit de bâtir une théorie, à savoir qu'un passage de la lettre de Jedediah Horn à Corwen, copié par Ezra Whedon, était souligné d'un trait de plume mal assuré. La copie fut trouvée en possession des descendants de Smith. Peut-être Whedon la remit-il à son compagnon quand l'affaire fut terminée, pour lui fournir une des clés de l'énigme. Peut-être encore Smith possédait-il cette copie avant l'expédition, auquel cas c'est lui qui souligna le passage après avoir questionné adroitement son ami. Voici le texte révélateur. Je vous le dis encore une fois, n'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer. J'entends aucun esprit qui, à son tour, puisse évoquer quelque chose contre vous, par quoi vos stratagèmes les plus puissants seraient réduits à néant. Adressez-vous aux petits, de crainte que les grands ne veuillent pas répondre et ordonnent à votre place. » À la lumière de ce passage, en réfléchissant aux inconcevables alliés perdus qu'un homme aux abois pourrait essayer d'appeler à son aide, Charles Ward se demanda à juste titre si c'était vraiment les citoyens de Providence qui avaient tué Joseph Corwen. Au début, les chefs de l'expédition ne s'étaient pas proposés d'effacer tout souvenir du mort des annales de Providence. Ils avaient permis à la veuve, à son père et à son enfant d'ignorer la vérité. Mais le capitaine Tillinghast était un homme rusé. Il apprit bientôt assez de choses pour exiger que sa fille et sa petite-fille changent de nom, pour brûler toute la bibliothèque de son gendre et effacer à coups de ciseaux l'inscription sur sa stèle funéraire. À dater de ce moment, on s'employa à faire disparaître la moindre trace du sorcier maudit, comme si l'on eût voulu laisser croire qu'il n'avait jamais existé. Mrs. Tillinghast, c'est le nom que porta sa veuve à partir de 1772, vendit la maison d'Olney Court pour aller résider avec son père à Powers Lane jusqu'en 1817, année de sa mort. La ferme de la route de Pawtuxet fut laissée complètement à l'abandon et tombe en ruine avec une inexplicable rapidité. Personne ne s'aventura à percer la masse de végétation sur la berge de la rivière, derrière laquelle se trouvait la lourde porte de chêne. Il est à noter que l'on entendit un jour le vieux capitaine Whipple marmonner entre ses dents « Au diable, ce fichu bordel !» Il n'avait aucune raison de rire tout en hurlant. On aurait dit qu'il gardait quelque chose en réserve. « Pour un peu, je brûlerai sa foutue maison !»